En Corée du Sud, à l'information officielle du ministère de la Défense sur la disposition du SAD en Corée du Sud, divers milieux sociaux expriment leur indignation et se sont engagés dans la lutte de protestation. Les organisations par secteur du Comité Sud pour l'application de la déclaration conjointe du 15 juin et les formations civiles et sociales de la région d'Incheon et autres ont exigé des autorités américaines et sud-coréennes l'abolition de la dernière décision et l'annulation de ce projet à travers les conférences de presse, déclarations et luttes de protestation. Les présidents des organisations autonomes locales, les assemblées locales et les partis d'opposition intensifient également la critique envers Park Geun-hye, qui a décidé unilatéralement la disposition du SAD sans l'accord de la population. Les journaux Kyongshan Shinmun et Une Nation, la CBS et autres masses médias ont condamné la traîtrise de la bande de Park Geun-hye tout en dévoilant la nature et la dangerosité de la disposition du SAD. Surtout, les habitants de l'arrondissement de Songju, fixés comme endroit d'installation du système de SAD, ont constitué le comité de mesures urgentes de tous les habitants de l'arrondissement contre la disposition du SAD à Songju et se sont engagés dans la lutte pour l'abolition de la décision injuste des autorités.